Ouais, non, mais. Moi, j'en ai rien à foutre, ma Stéphane. Et là, on peut faire un morceau de moi, quoi. Non. Tout. Tu sors sa patte, t'es trop maniaque. Tu sors sa patte, t'es trop maniaque.